Isanganiro. Jean Bosco, Douimana. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici les grands titres. À la veille de la célébration de la journée internationale dédiée à la paix, le gouvernement du Burundi, à travers la voix de son ministre en charge des droits de l'homme, affirme que la situation sécuritaire et des droits de l'homme est bonne, même s'il reconnaît certains manquements. Quatre hommes accusés de tentatives de vol et d'assassinat de deux boutiquiers du quartier Gisagara au chef-lieu de la province Ngozi, c'était la nuit du 2 au 3 de ce mois, écopent d'un emprisonnement allant de 2 à 15 ans ainsi qu'un dédommagement de 20 millions de francs burundais en faveur de deux rescapés toujours alités. La peine a été prononcée par le tribunal de grande instance de Ngozi ce mercredi. Les neuf partisans de la coalition Mizero ya Barundi sont sous les verrous depuis hier pour tenue illégale d'une réunion. Ces hommes et femmes rejettent cette accusation. Et dans la chronique judiciaire ce jeudi, nous évoquerons avec un avocat le caractère obligatoire d'une assistance pour certains prévenus, notamment lorsque l'infraction donne lieu à une peine d'au moins 20 ans de servitude pénale. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonjour. Neuf personnes, dont six hommes et trois femmes, ont passé la nuit au cachot du commissariat communal de Manda. Elles ont été arrêtées ce mercredi à Murengeza, en commune Manda. Selon des témoins sur place à Murengeza, ces personnes, membres de la coalition Mizero ya Barundi, étaient en réunion illégale dans une maison à la 3e avenue. De son côté, le représentant de cette coalition en province de Bobanza indique qu'il s'agit d'un pur montage orchestré par certains Imbonerakure de Murengeza et que ces personnes n'étaient pas du tout en réunion. Certaines venaient du marché, d'autres étaient de retour du centre de santé et se sont croisées et échangées en cours de route. Selon Alexis Manirakiza, qui reconnaît que deux autres ont pris le large au moment où ils ont vu qu'ils allaient être attrapés. Et la Confédération des syndicats du Burundi appelle au dialogue entre les responsables de la société Lumitel et leurs employés en grève depuis deux semaines. C'est au moment où il y a des convocations qui sont déjà sorties contre certains de ses employés. Gilbert Nyawakira, président de la CSB, affirme que le dialogue reste la meilleure voie pour aboutir à la solution entre ses employés et employeurs. Les conséquences sont multiples si le dialogue traîne. Suivez-le au téléphone avec Léonce Vitalio. Si les travailleurs arrivent à faire le mouvement de grève, je sais que c'est le dernier recours, c'est que l'employeur n'a pas daigné les écouter ou mettre en place un espace de débat, un espace de dialogue pour que l'on puisse se comprendre sur les malentendus. Les malentendus au sein d'une entreprise, au sein de tout travail, ont existé et existent encore, mais ce qui est important, c'est que l'employeur puisse, et de bonne foi encore, organiser, mettre en place un dialogue pour débattre de la question et mettre une lumière. Il est des fois où le travailleur, des lois, les droits des travailleurs sont bafoués, il faut qu'ils soient mis en valeur et qu'ils soient reconnus. Il est des fois même où le travailleur demande à l'employeur ce qu'il n'a pas, à part le dialogue, c'est une occasion de dire ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas, ce que l'on peut avoir dans l'immédiat et que l'on peut avoir dans le court terme et dans le long terme. Nous privilégions donc le dialogue comme les textes même nationaux, le Code du travail, les conventions de l'OIT, comme la Convention 87 et la Convention 98, qui privilégient le dialogue en milieu de travail. Mais lorsque des mandats commencent déjà à sortir, quelle explication à ce phénomène? Une explication à ce phénomène n'est rien d'autre qu'une démonstration de force, encore une fois une confrontation, où l'employé croit qu'avec ça, il pourra gagner. Mais ce qui est important pour gagner encore une fois, c'est que toutes les parties puissent gagner ensemble. Il n'y a pas de victoire pour une partie, il y a une victoire pour tous, pour le travail, pour l'entreprise, pour les travailleurs et pour l'employeur lui-même. Et cela n'est possible qu'il y ait un dialogue permanent qui s'installe. Et je vous dirais aussi que pour donner l'importance au dialogue, notre pays a mis en place un organe de concertation, Comité National Dialogue Social, qui a déjà fait preuve de beaucoup de réalisations. Et cet organe est combien important peut être saisi par une des parties. Ou, en cas de besoin, faire une autre saisine tant qu'une des parties puisse le consulter. Gilbert Nyawakira, c'est le président de la Confédération des syndicats du Burundi. Un emprisonnement allant de 2 à 15 ans, ainsi qu'un dédommagement de 20 millions de francs burundais, Voilà la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Ngozi à l'endroit de quatre hommes accusés de tentative de vol et d'assassinat de deux boutiquiers du quartier Gisagara du chef-lieu de la province Ngozi. C'était pendant la nuit du 2 au 3 de ce mois. Lors de ce procès de flagrance de ce mercredi, ce tribunal a exigé à deux de ces condamnés le dédommagement d'une valeur de 20 millions de francs burundais en faveur de deux rescapés toujours alités à l'hôpital. Apollinaire Muzagara. Deux de ces hommes, à savoir Ponce Barachambariza et Dieudonné Ndayishimiye, respectivement déserteurs et démobilisés des ex-groupes rebelles, sont accusés de détention illégale d'armes, de tentatives de vol et assassinat à l'aide des armes à feu. Ils ont été surpris par la police avec un fusil de type Kalachnikov et une grenade dans un hôtel dit Maison Jaune en ville d'Ongozi. Auparavant, des informations disaient que ce fusil, qui appartient à un policier, Gaspard Mourikiye, aurait été volé à la possession d'Okiziba en commune Mumba par ces deux voleurs qualifiés, aussi natifs de cette commune. Mais les deux hommes ont affirmé pendant l'interrogatoire et même dans l'audience de ce mercredi qu'ils l'ont acheté à ce policier 150 000 francs. Gaspard Mourikiye va alors écoper lui aussi une peine de 15 ans de servitude pénale. Le tribunal de grande instance de Ngozi a également condamné Willy Muzimana à 2 ans et demi d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende. Il est accusé aussi, comme ce policier, de complicité car il a tenté, selon les juges, de cacher ses malfaiteurs et ses armes à feu lors de la fouille perquisition opérée dans cet hôtel. En conséquence, l'hôtel Maison Jaune reste fermé durant toute une année. En plus de la prison, Dieudonné Ndayishimiye et Ponce Barachambariza vont dédommager les deux victimes, Elvis Atungimana et la douce Bizimungu, à hauteur de 10 millions de francs pour chaque. Parmi les sanctions requises par le ministère public lors de cette flagrance, figurait la présentation des condamnés au public. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Le Burundi, à travers le ministre des Droits de l'Homme et de la Solidarité, se réjouit de la situation sécuritaire et des droits de l'homme à la veille de la célébration de la journée internationale dédiée à la paix. Pour preuve, le ministre Martin Nivyabandi explique que le Burundi a pu organiser des élections démocratiques en 2015 et 2018, même s'il reconnaît cependant des lacunes. Et concernant les rondes nocturnes organisées dans certains coins du pays, il le trouve normal. Elini Belniwigira pour plus de détails. Parmi les raisons qui font que le ministre Martin Nivyabandi se réjouisse pour prouver que la paix est totale dans tout le pays, figure le fait que le pays a pu organiser les échéances électorales de 2015, mais aussi le récent référendum constitutionnel de 2018. De plus, il explique que le Burundi participe dans les missions de maintien de la paix dans d'autres pays. Il parle également du retour massif des rapatriés. La célébration de la journée internationale de la paix se passe au moment où la paix règne dans tout le pays. Le Burundi a organisé des élections libres et démocratiques en 2015 et la population a élu librement ses dirigeants. En plus, au cours de cette année 2018, le pays vient d'organiser le référendum constitutionnel grâce à la paix. La tranquillité est totale dans tous les coins du pays. On observe le retour massif et volontaire des réfugiés. À côté de cela, le ministre des Droits de l'Homme démontre que la journée internationale de la paix arrive au moment où la caravane de flambeaux de la paix vient de circuler dans tout le pays. Même s'il se réjouit, Martin Nivyabandi ne nie pas quelques irrégularités. Quand vous parlez de la paix, il y a des standards. Il y a des standards que vous devez avoir pour parler que le pays se trouve en paix, quand le pays ne se trouve pas en guerre, quand il n'y a pas une tyrannie. Mais cela n'empêche pas que le pays peut toujours faire face à des défis, des défis qui sont liés à l'insécurité. Maintenant, nous sommes confrontés à un problème où il y a le banditisme, il y a le terrorisme, mais aussi, nous voudrions encore une fois revenir ici, la question des disparitions. Il y a toute une série de procédures, il y a des étapes pour déclarer qu'une personne est déclarée disparue. Concernant les rondes nocturnes organisées dans certains coins du pays, et selon toujours le ministre Nivyabandi, c'est normal compte tenu de ce qui se passe dans d'autres pays. Et en ce qui concerne les rondes nocturnes, si vous pouviez savoir ce qui se passe dans l'autre bout du monde, en France, quand il y a eu des attaques, ils ont organisé ce qu'ils ont appelé l'opération Sentinelle. 7 000 soldats et policiers sont mobilisés pour les patrouilles. Aussi, les populations, nous avons pris l'option au niveau du gouvernement de Burundi de confier aussi la sécurité aux populations, bien entendu. Ils ne vont pas faire le travail des policiers, mais ils doivent veiller à la sécurité des biens et des personnes. Ce n'est pas contradictoire. Cette journée internationale dédiée à la paix sera célébrée au niveau national en zone Musaga de la commune Moura. Nous sommes en mairie de Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Une société d'origine chinoise dénommée Jiangxi Jianglia a été choisie par le gouvernement du Burundi pour construire un centre commercial moderne à la place de l'ancien marché central. Cela a été dit lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi. Prosper Naugwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement, dit qu'après qu'aucune offre n'a été réceptionnée dans le délai prévu dans la publication des termes de référence, le gouvernement a décidé de sensibiliser ses partenaires pour les intéresser sur ce projet. Cette société chinoise a été donc la seule à démontrer sa capacité technique et financière en matière de réalisation des grands projets d'infrastructure. Suivez le porte-parole du gouvernement, dont les propos ont été recueillis par nos confrères de la RTNB. Mémorandum d'entente pour le projet de construction d'un centre commercial moderne de type mall à Bujumbura. Ce projet a été présenté par le ministre des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement économique. Le gouvernement de la République du Burundi a lancé depuis 2016 le projet de construction d'un mall sur la place de l'ex-marché central de Bujumbura. L'objectif principal du projet est de construire un centre commercial moderne qui sera la vitrine commerciale de la ville de Bujumbura. Le ministère en charge des Finances, désigné comme autorité contractante, a procédé à la publication des termes de référence pour la sélection d'une société privée intéressée par ce projet. Ce dernier devant être mis en œuvre sous forme de partenariat public-privé. Après le constat qu'aucune offre n'a été réceptionnée à la date limite de dépôt des offres, il a été recommandé de sensibiliser les partenaires tant intérieurs qu'extérieurs pour les intéresser sur ce projet. Après consultation avec les représentants des différentes sociétés qui ont manifesté leur intérêt, c'est la société Jiangxi Jianglia International Engineering qui a été choisie. Le présent mémorandum, qui précise les engagements et obligations des parties signataires, élaboré par elle, est le résultat d'une mission de travail auprès de cette société pour s'informer et s'assurer de ses capacités techniques et financières en matière de réalisation des grands projets d'infrastructure. Le mémorandum a été adopté. Prosper Naugwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Et 9 millions de dollars américains, c'est le financement obtenu par le Burundi chaque année de la part des États-Unis d'Amérique dans le programme de lutte contre le paludisme. Cela a été dit par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burundi qui était en visite ce mercredi à Gihanga en province de Bubanza. Et c'était pour voir comment fonctionne un centre de recherche sur les moustiques situé dans cette localité. Space Caritas Kabanyana. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique était à Gihanga, en province de Bubanza, ce mercredi, en visite à un insectarium situé dans cette même localité. Il s'agit d'un centre de recherche sur les moustiques, un centre qui a été construit et inauguré en 2012. Anne Casper, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, a précisé dans son discours que les États-Unis, à travers l'Agence pour le développement international, financent la lutte contre le paludisme au Burundi depuis 2009. Avec un investissement de 9 millions de dollars américains chaque année. Elle a précisé qu'elle a effectué cette visite pour mieux comprendre la situation du paludisme et ce qui se fait pour lutter contre cette maladie. L'objectif de la visite, c'était de mieux comprendre la situation du paludisme, aussi de mieux comprendre comment, qu'est-ce qu'on fait ensemble, le gouvernement du Burundi, le laboratoire et aussi le gouvernement des États-Unis ensemble dans la lutte contre le paludisme. Il y a une équipe ici qui fait le bon travail, très très sérieux. Donc on voit le bon résultat. Jeanne d'Arc Niranyibagira, représentante du programme national intégré pour la lutte contre le paludisme, PNLP en sigle, a précisé de son côté que les résultats déjà obtenus de l'insectarium ont poussé le gouvernement à travers son programme PNLP à faire des interventions en coupant la chaîne de transmission par des méthodes de pulvérisation intradomiciliaire en utilisant des produits efficaces pour tuer les moustiques et les produits utilisés diffèrent d'une province à l'autre parce que la résistance n'est pas la même. Aussi, des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action ont été distribués et cela à une fréquence de 3 ans. Space Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique justice.